Bonjour à tous, Christelle Maza, je suis avocat au barreau de Paris et Marseille et je vous expliquerai la raison d'ailleurs pour laquelle ces deux territorialités sont importantes pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Je vais me présenter très brièvement et dans la mouvance de ce que vous avez dit, c'est pas pour raconter tout mon parcours, mais ça s'inscrit, c'est intéressant je pense pour expliquer la position un petit peu atypique que j'ai en qualité d'avocat et qui colle à ce sujet qui, à mon sens, est extrêmement transverse et pluridisciplinaire. Et je vais en particulier évoquer la question de l'avocat des lanceurs d'alerte dans la fonction publique très précisément, qui est le sujet voilà, que j'ai voulu aborder aujourd'hui, qui est un immense sujet et qui devient, à mon sens, un métier à part entière et qui mérite réflexion même sur la façon dont on l'exerce, dont on doit l'exercer, et les écueils qu'on peut rencontrer en pratique, qui sera probablement la plus grande partie de mon intervention, tout en essayant de garder un discours assez optimiste sur les missions exactement que j'exerce au quotidien. Alors moi, j'ai un profil universitaire un petit peu dissonant dans la profession, c'est que j'ai commencé par des études de linguistique, et en particulier l'allemand, qui était ma langue de travail, un pays dans lequel j'ai vécu. Et j'étais la grande spécialiste de la terminologie du Troisième Reich, ce qui m'a permis d'étudier en fait les mécaniques d'emprise par la manipulation du verbe. Et je fais cette parenthèse parce que dans la jurisprudence France Télécom, première instance procès auquel j'ai participé, il est fait expressément référence à un ouvrage qui s'appelle « La linguistique du Troisième Reich » de Victor Klemperer, que je vous incite d'ailleurs à lire si ce n'est pas déjà fait, mais c'est très intéressant. Pardon ? Oui. Qui est très intéressante donc à étudier sur la manipulation par le verbe. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça coupe deux sujets qui nous occupent aujourd'hui, c'est-à-dire l'exercice de la politique et la communication politique, qui touche très directement, évidemment, la fonction publique, qui est en fait soumise constitutionnellement à des politiques publiques décidées par l'exécutif. Donc on est au cœur, en fait, de l'employeur public. Et puis, ça touche aussi tout ce qui caractérise les mécaniques d'emprise systémique, alors évidemment sous la période nazie, mais pas que, on voit ça beaucoup dans les mécaniques d'emprise mafieuse, et ça touche donc ce que vous avez évoqué, j'y reviendrai, toute la criminalité organisée, et là-dessus il y a un vrai sujet, c'est l'interpénétration en fait de la criminalité organisée dans l'état de droit, et c'est là où on a les problématiques de probité les plus inquiétantes, préoccupantes. Donc après cette phase linguistique, j'étais donc sciences politiques, j'ai repris un chemin qui me rapprochait plus de ce métier, et à Strasbourg, donc terre un peu universitaire des droits de l'homme, sans faire offense à tous les autres, mais c'est vrai qu'il y a les institutions européennes, et puis donc j'ai fini par les études de droit que j'ai reprises un peu au milieu, ce qui fait que je n'ai pas une naissance, un ADN stricto sensu juridique, mais ce qui m'a permis justement de sortir un peu des sentiers battus en termes d'exercice professionnel et d'avoir une approche assez critique du système juridique en soi, les limites du droit, et aux limites du droit, on est dans les problématiques d'éthique. Et pour avoir fait, donc, on en avait brièvement discuté, mais les classes de Christian Attias à l'Université d'Aix-Marseille il y a 20 ans, professeur qui est aujourd'hui décédé, qui était grand spécialiste du droit civil et qui avait une chaire de philosophie du droit, on travaille la théorie du droit, c'est-à-dire l'étude métasystème, ou comment on pense la science juridique à travers des problématiques posées, y compris Jean Carbonnier, la sociologie du droit, voilà. Donc c'est une vision du droit assez transverse et pluridisciplinaire, et c'est exactement, je pense, que requiert la problématique de la déontologie, de l'éthique en droit, et de l'avocat des lanceurs d'alerte. J'ai apporté, j'y ferai référence, les deux documents qui ont été émis par le défenseur des droits qui, depuis la loi organique 2022, donc, a étendu ses prérogatives pour octroyer, certifier les lanceurs d'alerte et examiner les représailles subies. Lecture que je vous invite à faire parce qu'il y a le guide lanceurs d'alerte et ils viennent de publier leur rapport 2022-2023 qui fait état d'un certain nombre de recommandations sur les limites en application de la loi, que je voudrais compléter en fait aujourd'hui par une vision plus pratique et surtout plus critique, c'est-à-dire qu'il y a le domaine de la théorie, et puis ensuite il y a le concret, la vie réelle, qui est souvent, malheureusement, encore extrêmement éloigné de ce qu'on peut lire dans la loi. Alors, il faut savoir aussi que les lanceurs d'alerte, ça s'inscrit dans une mouvance sociétale. Alors oui, je précise, pardon, j'ai commencé il y a 19 ans maintenant, très spécifiquement sur la notion de souffrance au travail dans la fonction publique, en voyant par la petite lorgnette finalement les cas de harcèlement moral majoritairement. La loi a été votée en 2002. Les premiers arrêts du Conseil d'État sont situés vers 2006 et on a un arrêt en 2010 donc qui étend la protection fonctionnelle aux situations de harcèlement. Et je situerai à peu près à ce moment-là la prise de conscience, on va dire, en droit de ces problématiques. Mais ça s'inscrit aussi 2010 à la RGPP 2009 et le grand basculement en fait au niveau des politiques publiques de, on va le résumer sous démantèlement de services publics, on va dire restructuration générale des services publics qui ont donné la loi HPST et en parallèle de ça, évidemment, tout le drame France Télécom, démantèlement des PTT. Donc on assiste à une restructuration massive où finalement, entre guillemets, j'ai commencé ma vie professionnelle en 2005-2006 au milieu de cette grande mouvance, ce qui fait que, issue très service public et défense de l'état de droit, je me suis retrouvée baignée un peu par accident et finalement j'en ai fait un engagement, une vocation, quelque chose d'extrêmement passionnant. Et donc, tout ce qui est transparence de la vie publique, même la charte déontologie des magistrats administratifs est finalement extrêmement récent. Et quand on voit à l'étranger comment ça s'est construit, ça peut être même choquant en se disant comment ça se fait que c'est aussi récent puisque ça a à peu près, on va dire, entre 8 et 10 ans. Alors évidemment, dans l'histoire du droit, 10 ans, c'est rien du tout. Et il y a cette problématique de culture, en fait, à la fois de transparence et du signalement. Vous évoquiez l'Allemagne. Effectivement, moi qui ai vécu en Allemagne, on n'a pas du tout la même culture. Probablement raison pour laquelle l'arsenal juridique est moins construit. Ils en ont peut-être moins besoin parce qu'au quotidien, ils n'ont pas la même façon d'aborder la transparence de la vie publique. Probablement lié aussi à des questions historiques. Alors, avocat des lanceurs d'alerte, c'est un métier compliqué et ça peut être un métier dangereux. C'est un métier compliqué parce que vous n'avez que des ennemis à vous faire, parce que vous attaquez le système. Alors, c'est pas l'avocat qui attaque, c'est le lanceur d'alerte. Mais on est souvent, évidemment, vous êtes la voix du lanceur d'alerte, qui est une personnalité solitaire, très seule face à son signalement. Et plus vous rentrez dans le cœur de l'atome, c'est-à-dire plus votre signalement impacte gravement un intérêt de l'État, évidemment, là vous êtes encore plus seul que les autres, parce que c'est tout le système qui est attaqué. Et là, on est sur des considérations d'ordre politique. Et jusqu'à maintenant, si vous voulez, parfois, on peut être taxé de forme de complotiste, ou ça polarise énormément, voire ça a une connotation idéologique, puisqu'on peut, dans le service public, très vite basculer sur des considérations d'ordre idéologique, notamment la question de est-ce que c'est bien ou pas bien le démantèlement du service public, est-ce que c'est bien le néolibéralisme, est-ce que c'est mieux l'interventionnisme. Donc ça pose des questions d'ordre politique, et il faut être très vigilant dans la défense d'une alerte d'être neutre, c'est le principe même du lanceur d'alerte. J'évoquais évidemment que ça s'inscrivait dans une problématique de société, à l'heure des fake news, des deepfakes, des réseaux sociaux, de la manipulation de l'information, de la manipulation par le verbe, de ce langage, avant pour le harcèlement c'était pervers narcissique, maintenant c'est lanceur d'alerte, c'est-à-dire des notions très dévoyées où chacun a son pervers narcissique, tout le monde est lanceur d'alerte. Ça reste un métier extrêmement technique, quand je parle de l'avocat, hein, de qualifier en fait l'alerte, de vérifier l'application du régime et de construire une stratégie de protection de la personne et de l'alerte. Et derrière, évidemment, il y a des dossiers dans lesquels, même moi, je me dis, je suis pas sûre que ce soit bien là de lancer l'alerte, tellement c'est déstabilisant pour le système. Éventuellement, après, je dirais dans quel secteur. C'est très problématique parce que ça peut créer des vents de panique dans l'opinion publique, dans une opinion publique qui, en ce moment, est anxieuse, compte tenu de la saturation d'actualité assez négative qu'on peut avoir, où on est dans des bouleversements démocratiques. On est au cœur de la réflexion des droits humains. Voilà, avocat des lanceurs d'alerte, c'est être avocat des droits de l'homme, en fait. Et c'est pas vraiment inclus dans cette discipline-là, et je pense qu'il faut avoir cette prise de conscience qu'on est dans la défense de l'état de droit, particulièrement malmené en ce moment. C'est difficile aussi vis-à-vis de certains, de la profession d'avocat. C'est-à-dire que moi, très récemment, maintenant, je me heurte à des difficultés à constater qu'il y a des complicités, par exemple, de délits de favoritisme sur les marchés publics avec des cabinets d'avocats, qu'il y a l'organisation du contournement de la loi par la protection du secret professionnel, et que le secret professionnel très protégé, malheureusement, ne sert pas à organiser la criminalité organisée ou la délinquance, que c'est aussi le message qui a été porté par certains magistrats à Marseille, qui a été très mal perçu par Paris, y compris par l'Ordre des avocats. Mais je pense, et je le dis assez librement, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Donc, quand vous dites ça, évidemment, ça devient un peu compliqué. moi-même, n'étant pas... étant assez courageuse, mais pas non plus trop téméraire, il y a une vraie réflexion de fond au sein de notre profession, et je reviendrai sur un exemple très concret. Voilà, c'est la question de lanceur d'alerte avocat aussi dans des cabinets, quand vous constatez qu'on peut contribuer à des opérations de blanchiment. Voilà, la question a déjà été évoquée. C'est très compliqué, là, en France, d'aborder ces sujets, pour des tas de raisons que j'arrive à bien tracer, mais sur lesquelles il y a un sujet. Pourquoi c'est difficile aussi, avocat d'un lanceur d'alerte? Parce que vous avez un travail donc d'investigation polyvalent, il faut aller à la source des informations. Moi, ça m'arrive très fréquemment d'aller sur place, rencontrer les gens, tâter le terrain, essayer de rencontrer, enfin de respirer en fait les différents enjeux. Parce que là, vous avez besoin de mesurer la crédibilité du lanceur d'alerte et de l'information. Vous avez besoin de vérifier aussi les preuves qui vous sont remises avant d'aller en justice et de sortir toute l'armurerie, j'allais dire, ou de pas encombrer pour des choses. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez, parfois c'est tellement énorme que vous avez besoin vous-même de vous confronter à cette réalité en disant « Est-ce que c'est vraiment possible ?» vous parliez des biais cognitifs, c'est exactement ça. Hein. C'est, à un moment donné, c'est tellement énorme. Et encore une fois, je pense que l'actualité nous montre que les choses les plus folles peuvent arriver. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à digérer soi-même pour vérifier un peu les risques aussi qu'on peut faire courir à quelqu'un. Et je disais, c'est dangereux parce que moi, j'ai des clients... Alors, à titre personnel, ça m'est pas encore arrivé. J'ai eu des tas de barbouzeries, ça c'est clair, mais pas de menaces physiques ou de menaces de mort. Hein, mais ça arrive à certains de mes clients dans certains domaines. Et là, on se dit que le système n'est pas prêt à accueillir ce type de cas, très clairement. Donc il y a un danger. Donc c'est à vous, en tant qu'avocat, de l'apprécier, quand bien même vous connaissez tous les rouages du fonctionnement de l'alerte. Et puis, dernier point un peu sur... le danger de cette profession, c'est que, comme je disais, on a beaucoup de coups à prendre, on se fait beaucoup d'ennemis. C'est un métier assez solitaire. Moi, à titre personnel, je ne fais partie d'aucune organisation, aucun parti politique, aucune association, rien, volontairement, parce que ça me permet de garder une totale indépendance sur les alertes et d'avoir une crédibilité vis-à-vis de la justice. Je ne suis l'avocat de personne en particulier. Il se trouve que récemment, je suis beaucoup intervenue contre des politiques d'un certain bord, ce qui m'a fait entendre « Ah, vous êtes plutôt la lanceuse d'alerte de tel parti, enfin contre tel parti ». J'ai dit « Non, je ne suis saisie que de cas contre ce parti-là ». Alors, c'est pas de ma faute si on vient pas me voir des autres bords, mais je les accueille avec grand plaisir, puisque moi, mon souci, c'est l'état de droit, voilà, et des problèmes, il y en a partout. Voilà, donc il faut être très vigilant là-dessus parce que évidemment, quand vous entrez sur la déontologie des politiques, un des contre-feux qu'on va mettre contre le lanceur d'alerte, c'est instrumentalisation politique. Vous travaillez pour telle autre personne, vous voulez dégommer telle personne. Non, on reste concentré sur l'alerte. Donc la préparation de votre alerte et la défense du lanceur d'alerte, elle doit rester extrêmement neutre, impartiale. Vous êtes presque, j'allais dire, un collaborateur de justice, pas au sens pénal du terme, mais là-dessus, j'y reviendrai. C'est important aussi d'avoir une éthique professionnelle, donc accepter de vivre avec des gens qui vous aiment pas beaucoup tout le temps, j'y reviendrai sur les magistrats administratifs, et un peu être assez frontal avec le système, et c'est-à-dire remuer en permanence les trous dans la raquette et tout ce qui ne fonctionne pas dans l'état de droit. Donc vous êtes un peu le Cassandre de service, mais c'est ce qui nourrit, à mon sens, la protection de la démocratie, et on en a énormément besoin dans un univers, j'allais dire, où l'actualité est surabondante, les commentaires de fond sont de moins en moins entendus ou lus parce qu'on fait de la politique tweet, c'est-à-dire en 144 signés, ou je ne sais plus combien, il faut qu'on ait l'information et hop, on bascule sur autre chose. Donc tout ça pollue un petit peu la réflexion de fond. Et lanceur d'alerte, il faut vraiment avoir un sang-froid et une protection et une construction, en fait, de toute la mécanique, le régime et l'application du régime qui soit assez structurée. Souvent, on a une mécanique aussi de ce que j'appelle le star system. Alors ça, c'est aussi un des dévoiements de notre profession, où on a beaucoup, dans les gros dossiers, de médiatico-judiciaires. Ça, c'est pareil. L'avocat, il doit rester dans son rôle, c'est celui d'un porte-parole. Et quand vous travaillez avec les lanceurs d'alerte, finalement, vous devenez la figure du lanceur d'alerte pour protéger le ou la lanceuse d'alerte, qui requiert dans certains cas l'anonymat, ou pour lequel l'anonymat, évidemment, doit être protégé. Donc il faut être assez vigilant parce que vous allez être exposé, votre parole doit être contrôlée, et surtout vous devez absolument maîtriser la connaissance des médias, c'est-à-dire qui possède les médias, quels médias solliciter, les contrefeux médiatiques. Donc il y a toute une connaissance, en fait, de la communication quasi pas politique, j'aime pas ce terme, c'est au sens vraiment pur du terme, c'est-à-dire intervenant dans la cité, voilà, de dire j'ai pénétré le forum, j'ai une parole de citoyen à faire valoir, et dans la composition médiatique actuelle, ce qui est aussi un vrai sujet, de comment on relaie l'alerte publiquement, c'est quelque chose qu'il faut parfaitement maîtriser. Donc il y a à la fois la connaissance en droit du régime des lanceurs d'alerte, la connaissance qu'il faut avoir du service public, et service public, c'est polyphonique. Il y a la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, avec des problématiques extrêmement distinctes. Alors, en matière de probité, d'ailleurs, c'est pas les mêmes questions non plus, hein. Je veux dire, quand ça touche au cœur du système, dans le régalien, on est sur des choses extrêmement complexes à aborder. Quand on est sur des baronnies locales, dans les collectivités territoriales, ce qui est une spécificité assez française, pas que en PACA Corse, d'ailleurs, je tiens à préciser. Il y a des départements pas très loin ici qui sont assez gratinés aussi. Voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut bien connaître. Donc, service public, médias, politique aussi. Donc, je le disais, la politique, qu'est-ce que c'est? Donc toute la partie exécutive, ce sont les donneurs d'ordre, entre guillemets, de l'organisation du travail des services publics. Et très rapidement, vous vous rendez compte que derrière ce que j'appelle petit cas de harcèlement moral, et ça a été mon évolution professionnelle d'ailleurs, je me suis rendu compte que derrière le harcèlement moral, dans 98% des cas, c'est une problématique de système. Et effectivement, alors moi, dans ma carrière, je situe ça à peu près à... Au Covid-19, voire même un petit peu avant, et un petit peu, j'ai envie de dire, que ça s'est aggravé depuis 2017 avec la nouvelle présidence sur l'interpénétration beaucoup plus visible du privé dans le public, donc des problématiques vraiment de probité. Et dans la quasi-totalité des cas, maintenant que moi-même j'ai modifié mon œil et mon regard avec mon expérience, dans la quasi-totalité des cas de harcèlement, j'ai des problématiques de probité dans le service public. Et c'est assez effrayant, en fait. Donc, il y a un décalage entre mon regard clinique et ce qu'on va pouvoir aborder et trouver en justice, et comment on arrive à avoir une parole audible en justice sur ces sujets qui restent encore mieux connus un peu au pénal, notamment par les GIRS et le PNF. GIRS, donc juridiction interrégionale spécialisée, hein, ce sont des juridictions très très spécialisées sur criminalité organisée, environnement, un peu santé et probité. Et au-dessus, j'allais dire, il y a le PNF pour les cas un peu plus complexes. Alors, d'ailleurs, oui, bon, je ne reviens pas là-dessus, on parle de créer un parquet spécial pour la criminalité organisée. bon, je n'irai pas sur ce terrain, mais ça pose, voilà, en matière pénale, si vous voulez, on essaye de constituer un arsenal, notamment à Marseille, où il s'inspire beaucoup de ce qui est fait en Italie, avec la protection du statut donc, de collaborateur de justice, les repentis. Et pour avoir eu ces discussions, je pense que le lanceur d'alerte est une autre forme, en fait, de collaborateur de justice qu'il faut protéger comme les repentis, avec la même protection, y compris un statut pénal, parce que l'état de la loi actuelle ne permet pas la protection des lanceurs d'alerte comme il le faudrait. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire? C'est-à-dire que là, on est tellement dans la protection de l'état de droit et du système avec des possibilités de dénonciation par les agents publics de choses extrêmement graves, puisqu'ils sont dans le cœur du fonctionnement de l'État. Ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement renforcer. Parce que, alors, pour bien illustrer, en fait, un collaborateur de justice, donc un repenti, c'est quelqu'un qui est issu de la criminalité organisée, avec le plus grand connu, là, qui a tout donné sur la Cosa Nostra et permis les maxi-procès dans les années 80. Donc, il vient du système et qui vous explique tous ses rouages. Mais, pour moi, les lanceurs d'alerte agents publics sont de l'autre côté du rouage, c'est-à-dire dans le système, où ils voient arriver les mécaniques de corruption. Sans aller même jusqu'à la corruption ou la concussion, il y a prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics. Falcon disait d'ailleurs, il faut toujours tracer l'argent. Moi, j'ai envie de dire, dans le service public, il faut tracer l'argent. Il n'y a quasiment aucun spécialiste de la finance publique. Les policiers enquêteurs sont très perdus sur ces questions. Moi, j'en fais beaucoup, et d'ailleurs, je me suis beaucoup formée à cette question. Et maintenant, en regardant les comptes des administrations, vous tracez l'argent, vous voyez exactement où ça va. Ça, c'est une pratique qu'il faut développer, y compris chez nous, les avocats, pour examiner les problématiques vraiment qui sont posées actuellement. Et quand on rentre dans ce sujet, je vous assure que c'est vertigineux. Alors, j'explique même pas le problème politique actuel qui se pose sur l'état des finances publiques en France, ou le recours à l'impôt éventuellement pour y remédier. Moi, je pense qu'il y a déjà... alors, on parle beaucoup en privé... en droit privé, de lutter contre l'évasion fiscale. Je pense qu'il faut aussi énormément lutter contre les détournements de fonds publics et le mauvais usage des deniers publics. Et là-dessus, d'ailleurs, les chambres régionales de Cour des comptes, moi, j'y ai de plus en plus recours, font un travail remarquable, il faut les solliciter, voilà, parce que les magistrats n'ont pas toujours la remontée d'informations non plus. Et pourquoi ? Parce que les fonctionnaires ne parlent pas. Et j'en viens à cette fameuse notion de devoir de réserve et d'obéissance qui est encore extrêmement prégnante dans la fonction publique et qui est un vrai problème. Devoir d'obéissance ou devoir de respect hiérarchique et de neutralité, ça ne veut pas dire devoir de soumission et de s'écraser et de ne pas dire ce qui ne va pas. Il y a la possibilité de l'exercice du droit de retrait et il y a surtout l'article 40 du Code de procédure pénale qui vient d'ailleurs se superposer au régime des lanceurs d'alerte. Et qui permet normalement de faire des signalements, la loi est faite pour ça. En pratique, c'est quasiment jamais fait. Alors maintenant, ça change un petit peu, mais dans la police, par exemple, quand vous dénoncez le comportement d'un supérieur hiérarchique, vous êtes tout de suite soumis à une procédure disciplinaire pour manquement à l'obligation de loyauté, pour avoir court-circuité la chaîne hiérarchique. Ça, c'est, moi, je me souviens, les premiers cas, il y a 10 ans, 15 ans, je comprenais pas comment c'était possible de raisonner comme ça. Et depuis, il y a la problématique des conflits d'intérêts. Mais c'est très, très récent, en fait. Hein, c'est très, très récent. Voilà. Donc, ce que je voudrais aborder aussi, c'est... je fais cette transition, mais c'est les vrais écueils qu'on a en pratique dans l'application de la loi sur les lanceurs d'alerte. On l'a rapidement évoqué, mais il n'y a pas en France de culture du signalement. Il n'y a pas en France de culture du signalement, et ça, c'est un problème. Alors, j'avais assisté, je me souviens, il y a quelques années, avant que Éric Dupond-Moretti ne soit ministre, à son spectacle qui s'appelait, je sais plus comment, La Bête Noire, je crois, tiré d'un de ses ouvrages. Et je me souviens qu'il avait dit, ce qui m'avait fait sursauter sur mon siège, que les lanceurs d'alerte sont des délateurs. Et c'est exactement comme ça que le système voit les lanceurs d'alerte, comme des victimes. J'utiliserai même des propos encore plus dénigrants, parce que c'est comme ça qu'ils ont vu des pleurnicheurs, des bons élèves qui viennent rappeler la règle. Ils sont très mal vus dans le système parce qu'ils viennent signaler des problématiques de comportement. Et il faut savoir qu'on est, malheureusement, encore une fois, l'actualité l'illustre, on est dans une société qui valorise les comportements transgressifs, qui valorise ce qu'à l'école, on avait le premier rang de la classe ou le mauvais élève un peu turbulent à côté du radiateur. Bon, à l'époque, et encore aujourd'hui, hélas, on maltraite un peu le premier rang de la classe qui est très proche de l'instituteur et on adore être avec l'enfant populaire près du radiateur qui est très transgressif et ce qu'on pense être un anti-système. Ces problématiques de cours de récréation, c'est exactement ce qu'on retrouve en fait en illustration dans le quotidien. C'est-à-dire que le bon élève dans l'administration qui, je schématise, hein, tout n'est pas blanc ou noir, mais qui fait son travail de manière consciencieuse, qui va signaler, tiens, à la direction des services techniques, il y a un petit souci là quand même avec ce prestataire, on n'applique pas les sanctions pénales sur les retards de chantier, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et puis ce prestataire, il y a un petit souci quand même sur la conclusion du marché public, vous êtes tout de suite stigmatisé. Alors soit vous dites plus rien parce que vous savez que ça va être compliqué, soit vous dites, mais vous êtes quasiment après blacklisté. Voilà. Et quand on entend ce terme de délation, évidemment, le terme est extrêmement fort et renvoie à des périodes de l'histoire qui sont très problématiques dans notre pays. Donc, on échangeait un peu à ce sujet avant. Donc, moi qui ai vécu en Allemagne, dans le métro, vous regardez, il y a des phrases marquées, attention, si vous voyez quelqu'un ne pas payer son ticket ou frauder, vous pouvez appeler tel numéro. Effectivement, en France, ça paraît un peu surprenant de devoir faire ça en disant « je vois pas en quoi c'est mon problème, finalement, ils ont qu'à... » Voilà. C'est très schématique ce que je vous dis, mais ça fait partie d'une culture. L'Allemagne a fait un gros travail de mémoire sur son histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tout est évidemment perfectible. C'est beaucoup moins le cas en France. Et y compris d'ailleurs sur le rôle des magistrats pendant évidemment l'occupation allemande et le régime de Vichy, c'est malheureusement des petites poussières de passé qu'on retrouve un petit peu dans notre culture, y compris de la fonction publique. Et ça, par exemple, c'est un vrai sujet aussi sur lequel il faudrait travailler, parce que ça participe, c'est pas uniquement évidemment, d'une forme de culture de l'omerta, où on n'ose pas trop, remettre en cause un système qui est, somme toute, construit sur une dialectique militaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le droit de la fonction publique. Donc, il faut travailler cette culture du signalement. Et d'ailleurs, une des recommandations du défenseur des droits, ils ont commencé à le faire, c'est la politique de communication, c'est-à-dire parcourir tout le territoire et aller expliquer aux agents comment on peut signaler. J'en avais discuté d'ailleurs une fois avec un représentant d'Anticorps qui disait « bon, on a fait pas mal de sensibilisation pour avoir des signalements de la part des fonctionnaires, mais personne ne parle. » Et moi, j'avais dit, mais aucun fonctionnaire n'ira voir Anticorps. C'est pas du tout dans leur culture. Et Anticorps, déjà, c'est l'extérieur, c'est compliqué, attention, voilà. En fait, ils sont extrêmement terrorisés parce que dans le système, c'est encore pire, si vous voulez, quand vous avez des magistrats, des policiers qui sont dans le système judiciaire, il se dit, il y a presque même une mécanique incestueuse, c'est-à-dire je ne peux pas trahir l'État, le père État, c'est pas possible, je peux pas aller parler, je peux pas dire ça, voilà. Donc ça, en fait, ce qu'il faut expliquer aux fonctionnaires, mais pour ça, il faut des signes encourageants aussi, et là-dessus, je serais un peu plus réservée, ces personnes-là seront protégées, voilà, entendues, écoutées, et les sortir de l'isolement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tout le travail que je fais. Mais j'avoue qu'on n'est pas très nombreux, et il faudrait vraiment beaucoup plus organiser cette culture du signalement, notamment à travers les référents. Mais les référents, c'est un peu comme les médecins du travail. C'est-à-dire que vous faites tout un tas de constats. Vous pouvez aussi soupçonner des choses, mais l'employeur, ça reste le service public. Et quand vous êtes médecin du travail, vous faites des signalements sur quand même risque psychosocial plus qu'avéré, vous commencez aussi à avoir des problèmes, voire c'est étouffé. Toute la limite, d'ailleurs, du signalement interne. Et j'y reviendrai. Il y a aussi une problématique culturelle très française, c'est la problématique de l'entre-soi et du conflit d'intérêts. Et vous le disiez, c'est fascinant à quel point le conflit d'intérêts est partout, partout, partout. Alors je vais prendre un exemple, et je vous prie de m'en excuser par avance, pour les magistrats administratifs. En fait, il y a un arrêt très récent qui a été rendu sur la question de l'impartialité des magistrats administratifs. À la suite d'un arrêt d'ailleurs de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est extraordinaire et qui vraiment fonde la question du tribunal impartial. Donc c'était une affaire de magistrat de la Cour de cassation qui avait eu à juger d'une affaire concernant des éditeurs avec lesquels ils étaient sous contrat d'édition. dans la jurisprudence administrative, c'est pas un problème. J'ai eu le cas très récemment où j'ai une agente donc qui attaquait une université à la suite d'un harcèlement par le doyen et la présidence, donc très directement interpersonnel, et un rapporteur public qui est professeur associé de cette université. Et il y avait des photos dans le dossier de rapporteur public avec la personne mise en cause dans le dossier. Alors évidemment, j'ai soulevé le moyen devant la cour d'appel, et plus par provocation d'ailleurs, connaissant bien comment ça allait éventuellement surgir. Et au milieu est arrivée cette jurisprudence donc de mai, je crois. C'est ça. Et c'est très compliqué parce que moi qui ai une culture à la fois administrative et pénale, au pénal, mais ça vous ferait sauter tout le monde, c'est inimaginable d'avoir ce type de situation. Et devant le juge administratif, vous vous retrouvez avec, objectivement, une situation de conflit d'intérêts qui n'a pas plu du tout à la cour d'appel, parce que vu l'article 761 de condamnation de ma cliente, qui est un fait rarissime dans ces dossiers, j'ai compris que ça n'avait pas plu. Mais en le faisant, il y a une forme de provocation aussi, c'est de dire il faut interroger ces questionnements. Et effectivement, vous le disiez, c'est pas parce qu'en soi, on a l'impression d'être impartial, ce qui objectivement était probablement le cas, que le justiciable, lui, a l'impression que vous êtes impartial. Voilà, c'est ça. Exactement. Ben, c'est surtout que vous vous retrouvez dans une situation. Voilà, où vous vous dites, bon, objectivement, à un moment donné, quand il y a trop de proximité avec le cas étudié, c'est toute la question de l'impartialité objective, subjective, et c'est un vrai sujet. Je m'arrêterai là par rapport à la juridiction administrative, mais on trouve le même problème en matière pénale, d'ailleurs, chez les magistrats judiciaires. Moi, j'ai eu le cas, pareil, sur des dossiers extrêmement sensibles, vous vous rendez compte que le supérieur hiérarchique d'un juge d'instruction, c'est la chambre de l'instruction. Et vous dites, oui, mais c'est sa juridiction de contrôle. Donc, comment on fait pour avoir une approche objective, et quand on voit dans la pratique aussi ce qu'on peut dire aussi parfois des arrêts de chambre d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on fait que valider finalement une forme de politique de jurisprudentielle de chambre. Donc vous voyez, ça touche à des questions vraiment structurelles en interne, qui sont le propre de l'exercice en fait de rendre justice, où la notion de conflit d'intérêts et d'impartialité est fondamentale. Et elle fait partie d'ailleurs des critères qui distinguent en fait un état de droit et une démocratie. Le fameux article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, on doit avoir une justice dans un délai raisonnable et aussi avec des arrêts, des décisions de justice qui soient exécutées dans un temps raisonnable. Et aujourd'hui, clairement, on n'est plus dans les critères d'une démocratie, hein, du tout. Voilà, que ce soit dans les délais ou les exécutions de décision. Donc, en fait, pourquoi j'évoque tout ça ? C'est parce que quand vous mettez en marche une stratégie judiciaire pour un lanceur d'alerte, et il y a, pas encore, mais ça va venir, des magistrats lanceurs d'alerte sur l'état de fonctionnement interne aussi du système, vous êtes obligé d'avoir tout ceci à l'esprit, c'est de dire jusqu'à quel point je vais pouvoir porter mon alerte et faire reconnaître un certain nombre de choses en fonction de l'administration visée. Et là, vous éprouvez vraiment la notion de droit de l'homme et de séparation des pouvoirs et de neutralité de l'État. Et c'est ça qui fait à la fois ce métier quelque chose de passionnant et quelque chose d'extrêmement usant. Usant, voire même parfois décourageant. Et alors, pour mettre quand même une touche d'optimisme, il suffit de voir ce que font certains et certaines dans les dictatures. Et quand vous déprimez un peu, vous pensez à ça, vous dites finalement j'en suis encore un peu à faire des droits de l'homme de salon, même si évidemment c'est compliqué. Mais malheureusement, l'actualité nous dit que les choses peuvent changer assez rapidement. Donc il faut avoir aussi ça à l'esprit et il faut des vocations d'avocats lanceurs d'alerte je recrute. voilà. Alors ça, j'ai dit. Alors, un autre gros problème aussi, c'est le financement des procédures. Alors, c'est vrai que la loi prévoit que quand on a la certification lanceur d'alerte, on peut faire une provision, un référé provision, en fait, pour obtenir financement de ces procédures. C'est un travail gigantesque de faire des procédures de lanceurs d'alerte. C'est des plaintes très conséquentes. Il faut un peu mâcher le travail pour la justice parce que c'est presque du lobbying de dire voilà, c'est tellement énorme, ils sont tellement débordés, notamment au pénal, dans les parquets, qu'il faut leur expliquer à quel point ce dossier est extrêmement sensible, complexe, qu'il faut lui donner la priorité. Et ça, c'est une des choses d'ailleurs les plus difficiles. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de compétences techniques, c'est assez pointu, y compris donc en finances publiques. Ça nécessite donc une culture générale vraiment à la fois juridique, service public importante. Et puis après, vous avez des procédures qui font des petits, c'est-à-dire que vous partez sur votre plainte, puis vous allez avoir toutes les procédures bâillons, diffamation, dénonciation calomnieuse, toutes les représailles. Et là, je vous invite à la lecture de l'article 10.1 de la loi Sapin 2 sur le législateur qui a particulièrement bien repris derrière la directive européenne toutes les mesures de représailles prises. Et il y en a certaines, vous dites, mais non, c'est pas possible, j'en ai eu une récemment, je vous assure que c'est possible, c'est-à-dire l'enfermement d'office en hôpital psychiatrique. Alors au début, vous dites, oui, c'est du mal à y croire quand même qu'on puisse faire un truc pareil. Ça existe. Et c'est prévu par le législateur. Voilà. Donc quand vous en arrivez à des problématiques comme ça, vous vous dites, comment on défend un particulier isolé qui subit des méthodes absolument déroutantes financièrement pour vraiment mettre en œuvre toutes les procédures. Ça devient insubmersible. Donc là, le défenseur des droits prévoit de créer un fonds spécifique avec des possibilités d'abondement. Je ne sais pas, vu le contexte actuel, si on va en faire une priorité. Ce qui est important aussi, c'est la notion des délais aussi pour la certification, parce que ça nous permet d'agir après aussi en justice pour obtenir le financement des procédures. Quand vous êtes avec une administration qui est mise en cause, alors je rappelle que l'administration, l'État en soi, est pénalement irresponsable, hein, ce sera toujours des personnes physiques, et il y a la problématique des ministres en soi et la Cour de justice de la République, puis j'y reviendrai très à la fin. Voilà, donc quand vous êtes face à ce système-là, à qui vous demandez une provision, comment vous faites? Et finalement, souvent, c'est sur vos propres deniers. Et ça participe aussi de la décrédibilisation des lanceurs d'alerte. C'est qu'on dit, mais attendez, pourquoi vous allez dépenser autant d'argent pour défendre l'état de droit? Enfin, c'est quoi votre intérêt? Alors, on a retiré la notion de désintéressement de lanceurs d'alerte. Dans d'autres pays, dont aux États-Unis, on rémunère les lanceurs d'alerte. Et c'est une question chez nous qui est un peu taboue, parce qu'on dit, ah, l'argent rémunéré, c'est une notion de... C'est sale, en fait. On ne va pas défendre l'état de droit, en plus être payé. Mais il y a un vrai sujet, quand même, sur la prise en charge financière et l'incitation. Et ça, c'est ce que je dis beaucoup au parquet, d'ailleurs. J'ai dit, on ne se rend pas compte à quel point les fonctionnaires aiment le service public. Et moi, je participe de ce que vous dites. Hein. C'est pas parce que j'attaque le système que... En fait, c'est l'amour du service public et du collectif et, j'allais dire, de toutes ces personnes qui, au quotidien, ne tiennent le système que par leur extrême dévouement. Je pense aux greffiers, aux policiers, aux magistrats, aux aides-soignants, aux infirmières. Il y a un hôpital uniquement parce que ces gens-là sont investis de leur mission de service public, parce que, clairement, ça fonctionne en inégalité totale. Donc, le système n'arrive pas à comprendre que ces gens-là sont pleinement investis et sacrificiels dans la défense de l'état de droit et qu'il leur est insoutenable de voir que des élus, en particulier, des membres du gouvernement ou des personnalités dites hiérarchiques puissent dévoyer le système, détourner des fonds et finalement vivre sur le système pour des intérêts strictement personnels qui n'ont plus rien à voir avec l'intérêt général. Et la plupart des fonctionnaires portent cet intérêt général. Et c'est vrai que dans le message politique qu'on entend, tout ça est plus que passé sous silence, on en fait des strictes lignes budgétaires. Et je ne comprends même pas pourquoi il n'y a pas plus d'ailleurs de revendications, d'indignation, parce que ça participe encore de cet asservissement en fait qui a été fait, la culture du signalement, presque, j'ai envie de dire, ça doit devenir une culture de la désobéissance organisée, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on est trop contre la loi, dans des fonctionnements illégaux, on a tout un tas de mécaniques qui permettent de réorganiser le système. Donc instaurer une culture démocratique au sein du service public. Et c'est un peu ça aussi l'objectif par les lanceurs d'alerte. Et dernier point un petit peu problématique, je sais pas où j'en suis en termes de temps par contre. Ah, c'était très bien, j'arrive à la conclusion. Des petits exemples. Aujourd'hui, on vit dans une dimension aussi avec la cybercriminalité, avec les problématiques d'ingérence étrangère, où finalement, on se retrouve, entre guillemets, petit fonctionnaire en train d'exercer ses missions avec des choses qui dépassent totalement l'entendement. On est en train un peu d'en prendre conscience, et je pense que tous les spécialistes du secteur, les fameux Cassandre, que ce soit les magistrats, les professeurs, les avocats, qui travaillent sur ces sujets depuis des années, quand on s'exprime, l'opinion publique majoritairement ne réalise pas en fait ce qui est en train de se passer aussi sur l'effondrement démocratique qu'on est en train mondialement de vivre. Qu'on a beau en parler tant qu'on est encore, surtout quand on est relativement privilégié, ce qui n'est pas le cas naturellement de tout le monde, on a des visions parfois beaucoup plus évidentes et pragmatiques des inégalités, mais moins de poids, j'allais dire, pour les dénoncer. Ça fait partie, à mon avis, de la responsabilité des intellectuels ou des gens qui sont dans le système, qui peuvent changer les choses, d'alerter à ce sujet aussi et de créer des ponts avec les personnes, notamment les lanceurs d'alerte, que je dis petits fonctionnaires très isolés. Il faut réveiller les consciences démocratiques par rapport à ça et vraiment ouvrir cette culture de signalement qui est la façon pour le système de se régénérer et de se nettoyer, entre guillemets, par rapport à tout un tas de pratiques. Mais la problématique qu'on a, c'est évidemment quand elle est au cœur du système et au cœur de la politique, on se retrouve vite sans aucune ressource possible. Et je pense en particulier aux alertes des magistrats, notamment. Hein, c'est magistrats, c'est des choses. Moi, depuis quelques années, j'ai des clients magistrats, judiciaires ou administratifs d'ailleurs, choses que j'aurais jamais imaginées en début de carrière. Et vous vous dites là, il y a des phénomènes inquiétants. Alors moi, j'ai une vision très clinique hein, en fait hein, de terrain. Vous avez des intuitions de terrain que vous voyez, et c'est très important la pluridisciplinarité justement pour faire remonter auprès des JIRS, des parquets, mais aussi au niveau académique, et former et diffuser toute cette connaissance. Et je terminerai donc sur deux problématiques qui donnent malheureusement une indication qu'on va pas dans le bon sens, à mon sens. C'est-à-dire que maintenant, pour faire ces métiers, il faut entrer en résistance. C'est une jurisprudence récente du Conseil d'État, alors j'ai plus la date, à la suite d'une procédure initiée par l'Institut Montaigne sur les cercles de réflexion et le recul terrible qu'on a sur l'absence de déclaration préalable. Or, on sait pertinemment, et il ne faut pas se mentir, que c'est dans ces cercles-là d'influence qu'on construit le lobbying, qu'on construit la pensée politique et qu'on insuffle malheureusement une influence qui n'a pas besoin d'être étrangère d'ailleurs, directement dans l'état de droit. Et il y a aussi cette fameuse jurisprudence, dite la jurisprudence Dupont-Moretti, sur la prise illégale d'intérêt, qui est devenue presque un délit non intentionnel, où il y a très récemment, il y a quelques jours, tribunal correctionnel qui a rendu une décision assez amusante et assez cynique. Bah, quand on la lit dans le texte, en fait, c'est, eh bien, puisque un ministre, ancien avocat, qui a fait des études de droit, lui, on dit, il n'était pas conscient de l'infraction, alors une petite agente qui a jamais fait d'études de droit dans le service public, ah ben, elle, on va encore moins lui en tenir rigueur. À mon sens, c'est très ironique de la part des magistrats et ça invite à aller trancher la question devant la Cour de cassation, qui répond aux exigences du tribunal impartial, ce qui n'est pas le cas de la Cour de justice de la République. Et là-dessus, bah écoutez, on attend de voir ce qui va se passer. Voilà, je m'arrêterai là.